طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب comme on fait l'habitude, d'abord s'interroger sur les kalimat. طيب اولا ما معنى فضاء؟ نعم بيضاوي. Comment on dit l'équateur? Khatel istiwa. Ma'mana shahiq. Shahiq, élevé. Non. Musattah. Surface. Hidab. Aride. Non, c'est... sur le plateau élevé. Qahil. Aride. Non. Ha'il. Azim. Qawama yuqawimu. Pousser, résister. Afa'i. Vipère, serpent. Sa'iq. Glace. Pain. Saqiyah. Saqiyah ou Saqiyah? Saqiyah, for name. Saqiyah. طيب الثاني مات الكلمة. تفضل الجملة الأولى. دون حتى الذي وجدته ثم إذا في شيء نصوبه. تقول المناطق المستوية من الساقية. Non. Ils sont dépourvus de parties glacées. Akhbarani bi annahum raja'u duna an yasda'u yas'adu. Yas'adu qimmat al-jabal li annaha sha'iqah. Non, qui n'ont pas pu monter au sommet de la montagne qu'elle était trop haute. Thalithan la taskunu al-haywanatu akilatu al-akhshab. Non. Les animaux qui mangent de la verdure n'habitent pas dans les terres arides. Rabian. Khatu l'istawa'u. Istawa'i. Aïwa. Khatauna. Khatu l'istawa'i. Ala khatauna. Khatu l'inqasimu. Al-kura. Al-kura. Al-kura. Al-kura. Yaqsimu. Laissez l'inqasimu. Yaqsimu. Yaqsimu, c'est se diviser en soi. Yaqsimu, al-kurata al-ardiyata, al-kurata al-ardiyati, ila nisfin shimali, wa nisfin junubi. Khamisan, nastati' al-ta'aruf, al-ta'aruf ala darajati al-harara. في البلدان بمعرفة خط الأرض. الأرض نعم. خط الأرض. لتلك المناطق. Qu'on peut connaître la degré de température des pays, on voit leur place sur la. C'est خطي, c'est pas خط. بمعرفة خط الأرض نعم. يلتقي الحج بعدد هائل من المسلمين في مكة المكرمة. Non. Nada. Qui rencontre un grand nombre de musulmans lors du Hajj. Sabian. كلما نظرنا إلى أعلى في هذا الفضاء. فضائي. Non. Ce qui prouve que tu vois, c'est que le nahou que tu sauras, et non pas avec ce qui est écrit dans un livre, forcément. في هذا الفضاء الواسع فكرنا في عظمة الله. الكرة الأرضية ليست مستديرة ليست attention ليست allez donne-moi le bon Alors c'est le dit d'un. Laïssat. C'est-à-dire tout. Laïssat, c'est quoi son travail à Laïssa? Un aïbab, Laïssa. Aïna akhadna Laïssa, film Mumti'a. كان ما عمل كان كان ترفع الاسم وتنصب الخبر نعم دونك لا اين خبر ليس واين اسمها هذا هو الخبر صح اذا لو خبر دو ليسا سي كوا سو حكم منصوب اذا تقول ليست مستديرة ايوه اي الاسم ليس هو مستتير اي هي يرجع إلى الكرة الأرضية مستديرة كالكرة ككرتي ككرتي على حرف الجر ك ككرة القدم بل ذا بل ذات شكل بيضاوي لم يستطيع أن تقاوم المرض لأنه أهمل العلاج أهمل العلاج العلاج صح إلى تسكيلة نتيجة العلاج نعم العلاج الفرقان الفريقان الفريقان شو إذا تتخوفي واف مش خاصة جو تتخوفي ما فيك المتساويان في القوة ومرات الهزيمة والفوز هذا في لي دو زيكيب سون ايغال طيب نخوض الدرس الثاني نفس موضوع بلدي القسم الثاني نأخذ كلمات جديدة قال صفوح والجم صفح وهو عكس قمة الجبل قمة الجبل سي لو سوما دونك صفح الجبل سي سون كونترير سي لو بيي دو لا مونتاج اي صفوح سي لو بلوريال فلاوات هذا جم فلاه يعني الارض الفلاه سي une terre qui est grande et vide de toute chose comme dans le hadith de Anas de cet homme qui a perdu sa monture قد اضعوا يعني بعيره في ارض فلاه il a perdu dans une terre vide et aride elle avait sa عليها شرابه وطعامه أيوة تم مربوطة فلا كلاء هو العشب العشب سي ce que mangent les animaux de qui peut être comme verdure ou autre de bétail. Istamra'a yastamri'u. Hadha ma'na trouver quelque chose de délicieux, bon. Thumma zifaf, hadha al-jam ziffa. Ziffa huwa janib النهر لو ريف لا ريف دان فلوف ديفاف سي لو جام ترحال بمعنى انتقال من مكان الى مكان Un peu ce que font les nomades. Se déplacer de lieu en lieu. Istathmara, yastathmiro. Ça va parmi les sens, comme le fait d'investir une chose, de faire fructifier une chose. Investir dans une chose, faire fructifier une chose. A'maqun adajem amiq. Alif mana amiq. Profond. A'maq, ce sont les profondeurs. Turbatuha, là c'est la terre. Comme a déjà fait Hadith Ali. Hawa yahwi, ma'ana, renfermer. Renfermer quelque chose. Contenir quelque chose. Hawa yahwi. Hudud, adajam had, bi ma'ana, huna, les frontières. Bin al bildan. Bin al baladain, mathalan, anak had, la frontière. Rafahiyya, ma'ana, sahla. Ani facile. As-siyaha, ada ma'ana, souvent employé comme tourisme. Iqtisad, ada ma'ana, ouna, économie. Ajalatun, ma'ana, sur'a. معنى سرعة للحياة لكور دو لا في مذهل مذهلة أي شيء عجيب جدا هذا شيء عجيب جدا شوز très étonnante très surprenante. القرى Adajam Korya. Korya, ça peut être yani, un village, ça peut être une contrée. Hasb. Et Kimemun, Ada Aks Soufour. On dit Soufour, c'est l'épée de la montagne. Kimem, c'est le diam de Kimma. C'est-à-dire Kimma qui est le sommet de la montagne. Kora, Jam Korya. كنسال إذا في شيء فاتك كما قلت لك عندك موجود في أخي الكتاب طيب الآن سنقرأ النص ثانيا أي من بلدي ركز بس كابري غادي زي غلاب إن شاء الله الإنسان يستقر ويستغل ما في الكون ك l'humain s'installe et tire profit de ce qui est présent sur Terre. Adawam manal kaununa. Mais c'est le kaun, c'est un sens plus large. C'est tout ce qui est présent. Mais là, c'est ça qu'il veut dire. Sakana l'insanu kimam al-jabal. Que l'homme a habité au sommet des montagnes. Wasufu haha. Et au pied des montagnes. Wasakana al-sahara. Il a habité dans. Le désert. Yajoubu falawatiha. Elle parcourt ces terres arides. Bahfan an el kala'a. Pour rechercher les provisions. Walma'a wal hayat ala suhul. Washawati el bihar. Wadifaf el anhar. Pour rechercher justement les provisions. L'eau, la vie, dans les plaines, dans les. Au bord des mers et dans, sur les rives des fleuves. Wa laqad kana insanu al-ams ya'tamidu ala quwwati al-jism iqamatan wa tarhalan. Et que l'insan avant se basé sur la force corporelle. D'accord. Pour s'installer ou pour se déplacer. Et pour rechercher justement ses provisions. Barfan al-Kote. El-Kote, c'est ça également. C'est ce qui est provision. Approvisionnement. Ils n'ont pas mis là au début du kitab. Watamdi al-Hayatu Sali'a. La vie passe rapidement. ويستقر الإنسان بعد أن اكتشف الكثير من الأشياء التي يسرت أو يسرت له سبل العيش. Et qui s'installe l'insane après avoir découvert beaucoup de choses, celles qui lui facilitent la vie. سبل العيش, c'est plutôt les sentiers de la vie, mais nous en français on dirait la vie. فبدأ يستثمر الأرض بما تزرعه به من الخير أو من خيرات على سطحها. Il s'est mis à faire fructifier la terre, à fructifier le sol, de ce dont elle était remplie comme bonne chose à sa surface. Ou en son intérieur. Jouf, c'est l'intérieur. Ou fi a'maq mayahiha, ou dans les profondeurs de ses eaux. Faktashafa anna ba'd nour et turba khizbatun salihatun lizzira'a. Et qu'il a découvert, mesdames, que certaines formes de terre étaient fertiles. Et propre à être cultivé pour la pour l'agriculture quoi. Wa ba'd al-jibal tahwi ma'adin taqumu 'alayha sina'at mukhtalifatun kama ana ba'd as-sahara tasturu tahta rimalha al-thawarat al-kathira. Et également certaines montagnes qui renferment des métaux sur lesquels on se base pour fabriquer différentes formes de choses. Et également que certains déserts recouvrent sous son sable des fortunes. Beaucoup de fortunes, main de fortune. وفي أعماق البحار والمحيطات كثير منها ينفع الناس. Et également dans les profondeurs des mers, des océans, beaucoup de choses qui profitent à l'homme. Wa taqaddamat al-hayat, que la vie elle a évolué. Wa qasama al-insanu al-ard ila aqtarin ju'ilat laha hudud. Et que l'homme a divisé la terre et il en a fait des frontières pour différents pays. Wa dhaharat al-qura wal-mudun, que les contrées et les villes, les villages et les villes sont apparus. Wa istaghalla al-insanu al-thawarat أو الثروات عفوا الثروات بطريقة منتظمة. Donc il s'agit justement de ces choses, de ces richesses, d'une façon organisée. فتحول الاقتصاد من اقتصاد بدائي إلى اقتصاد متقدم مدروس. مثلا il a commencé, il s'est déplacé de l'économie qui était à la base primaire. Il y avait un autre mot plus approprié. Primaire pour se déplacer vers une économie avancée, étudiée. وَبَدَأَ كُلُّ قُطْرٍ يَسْتَغِلُّ الثَّرَوَاتِ الْمُتَاحَ لَهُ. Et que chaque pays s'est mis à utiliser justement les fortunes, les richesses qui ont été accordées en son sol, مثلاً. ويسخرها لخيل سكانه ورفاهيتهم أو رفاهيتهم. Il s'en sert pourquoi? Pour le bien de ses habitants et pour leur faciliter la vie. فبعض الأقطار يعتمد اقتصادها على الزراعة. Certains pays se basent sur l'économie de l'agriculture. وبعضها على الصناعة. D'autres sur tout ce qui est fabrication. وبعضها على التجارة. D'autres sur le commerce. وبعضها على تربيه الماشيه, d'autres sur les, la culture, sur le, l'élevage animal, l'élevage du bétail. وبعضها على السياحه وغير ذلك, et d'autres sur le tourisme et autres. وظلت عجله الحياه تدور بسرعه مذهله, et que le cours de la vie s'est poursuivi en allant à une grande vitesse, une vitesse hallucinante. وستستمر تدور يكتني دتوني حتى تقوم الساعة jusqu'à ce que vienne l'heure. لكن يبقى السؤال, il reste une question, هو يسخر الإنسان هذه ثروات لطاعة الله وعبادته أو للشهوات أو للشهوات والملذات نعم والملذات. Est-ce qu'il se sert de ces choses-là, l'insan? Tailler toutes ses richesses pour l'obéissance d'Allah et son adoration, ou bien pour ses plaisirs et ses envies. وصدق الله العظيم إذ يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Que Allah a dit vrai lorsqu'il a dit: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous avons octroyées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. نعم. كذلك قد يقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Nous avons mis tout ce qu'il y a sur terre comme parure, beauté, pour pouvoir les éprouver qui agira le mieux. Et كل هذه الأشياء نعم كما ذكر, c'est un bon rappel qu'il a fait. Toutes ces choses-là, il faut les mettre au service de la religion et dans la dunya, dans ce qui nous est permis. طيب. تدريب الأول, il faudra répondre aux questions. يقول أجيب عن أسئلة التالية. أسئلة هو تكست. أين سكن الإنسان من الأرض؟ Où est-ce que l'homme a habité sur terre؟ على ما كان يعتمد الإنسان في حياته. Sur quoi se basait l'insan dans sa vie؟ لا على ما سي على بس على حرف جر إما أي ماذا؟ D'accord. ثالثا ما الظروف التي ساعدت الإنسان على الاستقرار؟ Quelles sont les choses qui ont aidé l'homme à s'installer? أين توجد خيرات الأرض؟ Où se trouvent les biens de la terre? ماذا يحوي كل من الجبال والصحراء؟ Que renferment les montagnes ainsi que les déserts? إلى ما قسم الإنسان الأرض؟ Comment est-ce que l'insan a partagé la terre? En quoi il a-t-il divisé la terre? ماذا ظهر بعد ذلك? Qu'est-ce qui est apparu après cela? إلى أي نوع تحول الاقتصاد? En quel genre est donc devenu l'économie? على أي شيء يعتمد الاقتصاد بعض الأقطار? Sur quelle chose se base l'économie de certains pays? هل انتهى عصر الاكتشافات؟ Est-ce qu'il est fini le temps des découvertes? نعم. ثم التدريب الثاني. C'est نفس حق أمس. Mettre les mots à la place. On a سبل, qui est le jam de سبيل. On a Yahoui, le fait de renfermer. Armaq, les profondeurs. Iqtisad, l'économie. Istathmara, le fait d'investir, de faire fructifier. Yajoubou, le fait de parcourir. Jab, Yajoubou, parcourir. Tarhal, le fait de se déplacer de lieu en lieu. Al-Jumlatul Oula. Sadiqi, amwalahu fi tijara. Mon ami dans ses biens dans le commerce. Thaniyan, inna an-najah kathirun liman yurid. Que de réussite sont nombreuses pour qui le veut. Biznillah. Thalithan, inna kathiran min al-hayawanati ya'ishu ou ta'ishu fi al-muhitat. Que beaucoup d'animaux vivent dans des océans. Rabi'an, hal satadhillu fi دائم بين البلدان المختلفة. Est-ce que va continuer dans continuellement entre les pays différents? نعم. خامسا معظم دول العالم يعتمدوا على الزراعة. Du plus grand nombre de pays se base sur l'agriculture. سادسا كثيرا ما عفوا c'est pas là qu'elle trouve. كثيراً ما الامتحان بعض الأسئلة الصعبة. Que on va dire l'examen, beaucoup de questions difficiles. سابعاً ذل الإنسان منذ القدم أرجاء الأرض بحثاً عن الأفضل. Que l'homme n'a cessé depuis les anciens temps différentes terres en cherchant le meilleur. Alors un truc. نعم هي سهلة هذه. الآن نرجع للنص. تتوجيس يا عرب تمام. اوك approche toi parce que l'audio d'hier il était vraiment il était pas terrible. On fait des expériences hein, c'est ce qu'on trouve le plus adéquat, qu'on t'entende moi ou qu'on m'entende moi et toi, que tu fais les Arabes. طيب سكن الإنسان قمم الجبل وصفوحها ما يهرب صفوحها. مفعول به لا ظرف لا لا لا معطوف سيعرب صح ايوه بلا شك معطوف على ماذا معطوف على قمم الجبل قمم الجبل نعم سمعطوف وسكن السحراء حتى يا رب مفصل السحراء أو السحارة مدنا سحارة السحارة بيستخدم السحارة ترى جل لسان مد يا مد مش سعيف سوون ديفون بلي مدود السحارة كل يا رب السحارة مضاف إليه دو إيش سكن هذا فعل تبقى السكن دو مسجد سكن يسكنو سمام كيف قمي سكن الإنسان قمام الجبال وصفوحها وسكن السحارة أي واحد يا رب السحارة سكن الصحراء سي معطوف سكن الصحراء سي معطوف وكو سي معطوف الواو اللي هو avant et moi je te demandais l'arabe de quoi Sahara alors il y a quoi avant Sahara il y a quoi avant Sahara ayo فإذن هو t'as pu trouver le premier pourquoi tu trouves pas le deuxième avec le sens Bah, le désert, il habitait dans le désert. Il habitait dans le désert. Bah, au début, tu as compris, c'est Kenel Linsen, qui est même le Djebel. Aïwa, Aramat. Aramat Nasbihi. Nafolbihi Mansoub, Aramat Nafali. Aramat Nasbihi. Aïwa. Al-Fatha Al-Muqaddara. Al-Fatha Al-Muqaddara. Aïwa. Manam Al-Dhuhuriha. Naam. Al-Ta'adhur. Al-Ta'adhur, Ahsant. لا فعل سي هو يرجع الى الانسان فلواتها لا سلا لا سلا بحثا عن الكلاء ما يعرف بحثا انظر الجمله كامله وسكن السحارة ويجوب فلواتها بحثا عن الكلاء عن الكلاء أيوة تفضل أه Trouve la bonne question, tu auras la réponse. Ah, lima, lima, je vais juste le nom. C'est quoi ça? Hal, c'est Keifa, ça? Non. Lima, c'est. Mafoul Liajli. Mafoul Liajli, Arsène. Mafoul Liajli ou Mafoul Lahou? Arsène. Mansoub, on a maintenant oublié le Fatah. لقد كان الإنسان والأمس هو الأمس يا فن ما يعرف الأمس ظرف زمن مكان زمن زمن أيوة ظرف زمن الأمس ظرف ومنصوب ولا الأمس هذا مبني أمس أيوة أمس ومبني على كسرة على كسرة نعم يعتمدوا على قوة الجسم إقامة وترحالا ما يغلب إقامة وترحالا يعتمدوا على قوة الجسم صافا يعتمدوا جو حلو لا لا هذا تمييز هذا تمييز هذا وتمضي الحياة سريعة ما يرب سريعة هذا حل نعم على حل كيف تمضي الحياة تكون سريعة أحسنت ما يرب فاكتشف أن بعض أنواع التربة خصبة صالحة للزراعة ما يعرف صالحة هنا اكتشف أن بعض الأنواع صح؟ بعض الأنواع أيوة. تقول لي عرب ده صالحة نعم خزبطن أحسنت وبعض الجبال تحوي معادن تقوم عليها صناعات مختلفة معادن ما يعرب معادن تحوي معادن تقوم عليها كذا وكذا به. نعم مفعول به منصوب نعم علامة نصب وعلامة نصب به الفتحة بها على آخر طيب ليش ما قالت تحوي مع معادنا على نكرة Je ne sais pas pourquoi, le nakira là il... Parce qu'il est mutakar. Pourquoi il est nakira, tu me dis Il est nakira, et n'est tanouin Si c'est un mansoub, tanouin, c'est que avec un alif et que le de fatha. Ah, et c'est pas une avoir d'impression là. Clou le tanouin C'est sauvé Il reste dans les Jebel Il est où le tanouin معادنا يا بالا هذا سؤالي اين التنوين Ils ont fait quoi le Tanouin? Tu sais pas? Tu as de la peine pour lui ou quoi? Je sais pas. Ta'alem lakin ma markasta. À quel moment on lève un Tanouin? On a pris deux situations où Tanouin il saute. Mata. إذا كان مضافا est-ce que c'est le cas là? Non. وإذا كان pas alif aussi, c'est alif en fait, c'est autre chose. Là je parle du nakir, pas du ma'alif. Hein. Parce que tu peux avoir un mudaf qui est un nakira. S'il est mudaf à un autre nakira. Mais là je te parle là maintenant. Le tanouin là. Il y a un autre cas où il n'y a pas de tanouin. C'est quand est-ce qu'il n'y a pas de tanouin dans un ism? Ma ou l'ism l'a dit les affiches tanouin? Ailleurs, c'est le même ni, c'est celui qui n'est pas même ni, il n'y a pas de tanouin. Ah, ok, Mamnoum Nassarf, barakallahu fik. Taïeb, l'illa, ma hiya? Pourquoi il est Mamnoum Nassarf? La adi, c'est le wazn fa'il. Muntaha al-jumu'a, ahsanta. تستر تحت رمالها الثروات ما يعرب تحت ظرف مكان ظرف مكان مبني لا ليس مبني لا منصوب معناه تنصبير فتحة وهو مضاف طيب جعلت لها حدود كم يعني الميليو جعلت لها حدود Je vous lis à l'aube de Jou'ilat et de Houdoud. Jou'ilat, voilà. Fi'al, mardi, mouriel, sira. La mahalalou min al-Arab. Laha ajarou majrou. Wa houdoudoun. نائب فاعل مرفوع على مترفعي الضمة أحسنت طيب une dernière في الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ما يا رب كلوا في الأمر مبني في الأمر مبني على ماذا مبني على الضم لا مبني على حرف النون على حرف النون هذه الفعل المجزوم يبنى على ما عفوا في الامر يبنى على ما يجزم به في المضارع هذه القاعده طيب نقف هنا اليوم espérons que le son sera meilleur si c'est pas bien on continue l'expérience pour savoir qu'on trouve le son adéquat inchallah pour les tasjilat فعلى المستمعين ان يصبروا نعم فلونا والحمد رب العالمين